عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va essayer à travers, comme alhamdoulilah on a écouté un rappel, wa shakara Allah la li akhina Cheikh Sedati hafidhahullah ta'ala. On vous avait écouté un rappel, donc je vais juste rajouter 5 minutes, un petit rappel. On va essayer de pas dépasser 5 minutes. Je vous ai choisi, inshallah, une petite parole d'un grand imam. Un grand imam qui s'appelle Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri. Et c'est une parole nous exhortant, nous encourageant au beau comportement face aux polémiques. Face aux polémiques. Vous savez, il y a beaucoup de sujets, de faits divers où les gens aiment polémiquer. Et ça fait partie de la nature de l'homme. Et il aime parler, donner toujours son opinion et polémiquer. Enfin, Fi Usul al-Iman, il y a un grand livre qui a été écrit, Usul al-Iman. L'auteur de ce livre, dans Usul al-Iman, il rédige, il intitule un chapitre, Faqala Babu, Dhammu al-Mujadalati lil-Mughalaba. Dhammu al-Mujadalati lil-Mughalaba. Le fait qu'il est blâmé de polémiquer, ou le débat, ou la polémique est blâmé pour, ou en ayant toujours l'intention de vouloir l'emporter. En ayant l'intention de vouloir l'emporter. Al-Mughalaba, c'est le fait de vouloir toujours faire valoir son opinion ou son avis par rapport à l'opinion d'une tierce personne. Faqala, et à ce moment-là, il va rapporter la parole de ce grand imam Al-Hassan al-Basri. C'est un grand tabi'i qui a vécu à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez à son époque déjà dans les premiers siècles. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الحسن وسمع قوما يتجادلون الحسن البصري il est rapporté qu'il a entendu un peuple qui était en train de polémiquer, de débattre. فقال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا هذا كلامه وأخرجه الإمام أحمد في الزهد وابو نعيم في الحلية. فقال أحد العلماء ألا وهو الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرح هذه الكلمة قال المجادلة لا تحمد كما سبق بيانه. المجادلة il dit c'est quelque chose qui n'est pas louable. Et avant je vais vous traduire la parole de Al-Hassan al-Basri. Il dit, le grand imam, lorsqu'il a vu un peuple qui était en train de polémiquer, de débattre, il dit هَوْلَا قَوْمٌ مَلُّ الْعِبَادَةَ. Ceux-là sont des gens qui se sont lassés de l'adoration, c'est-à-dire de l'adoration d'Allah. وَخَفَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ. Et la parole pour eux, le fait de parler, c'est devenu quelque chose de léger. La parole est devenue simple et légère. وَقَلَّ وَرَعُهُمْ. Et leur piété est peu. Ils ont peu de piété. فَتَكَلَّمُوا. Et donc ils ont commencé à parler. De ce fait, un grand savant va l'expliquer, cette parole, en disant « Al-Mujadalatu la tuhmad ». Il dit, ces débats-là ne sont pas louables. « Illa idha kanat li bayan il-haq ». Si ce n'est pour clarifier la vérité. « Amma al-Mujadalatu lil-mughalabati wal-idhar il-ilm ». Mais en ce qui concerne la polémique pour juste faire valoir son avis ou son opinion, ou pour faire apparaître une certaine connaissance, « Fahada qazdun sayyi ». Il dit ça, c'est une intention et un désir qui est mauvais. وَبَعْدَهَا يَكُونُ قَسْوَا فِي الْقَلْبِ وَلَا بُدْ. Regardez ce qu'il va dire. Et après cela, parce que ce n'est pas tout, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce n'est pas tout, cela va engendrer quelque chose. Et ça va être la conséquence de quelque chose, la dureté du cœur. La dureté du cœur. C'est pour ça que lorsque vous voyez un peuple qui est beaucoup dans la polémique et les faux débats, juste pour désir de faire toujours valoir son opinion et son avis, alors ensuite ça va occasionner quelque chose de terrible. C'est terrible, la dureté du cœur. Et lorsque la personne il est éprouvé par la dureté du cœur, sachez qu'il est éprouvé par un fléau. Et pour cela, il dit, cela est la cause, justement, ou pour cause, de ces fausses polémiques. ولهذا قال الحسن البصري هنا في القوم الذين كانوا يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ملوا العبادة أي العبادة بنشر العلم والعبادات المعروفة. Que ce soit lorsqu'il dit, maintenant dans l'explication, ils se sont lassés de l'adoration, que ce soit les adorations connues, qu'on connaît, ou bien que ce soit ibadat binashr al-ilm, ou bien l'adoration du fait de propager la science bénéfique. Fa'aktharul kalam. Et ils ont commencé à parler. Ils se sont lassés de l'adoration, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens se sont écartés réellement et véritablement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que law kanu yuhasibun anfusahum, ils le verraient cela. Lorsqu'on fait muhasabat an-nafs, kul wahid yuhasib nafsahu, ils verraient donc des déficiences au niveau de l'adoration. À plus forte raison, les gens qui sombrent et qui tombent dans ces débats, ces fausses polémiques, toujours pour but et l'intention de faire valoir son opinion sur les autres, eh bien, on voit que ce sont des gens qui ont délaissé, qui se sont écartés de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُمْ مَلُّ الْخَيْرِ. Ils disent, ce sont lassés de tout bien. وَالْكَلَمَ الَّذِي نَشَأَ فِي عَهْدِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِمَّا مِنَ الْمُنَاقَشَاتِ أَوْ النِّقَاشَاتِ فِي الْعَقِيدَةِ أَوْ مِمَّا هُوَ لَيْسَ مَقْصُودًا بِهِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا الْمُغَالَبَةِ. Il dit donc, ce débat ou cette polémique qui s'est produite à l'époque de l'Hassan al-Basri, il dit, soit c'était un débat relatif à la croyance, au dogme, ou bien il dit, ça pouvait être un débat où le but n'était pas la vérité, mais juste de faire valoir son opinion. Alors l'Hassan al-Basri ensuite a dit cette parole. Ensuite, le cheikh va faire un rappel sur l'importance de l'éthique et du comportement pour l'étudiant en science et aussi pour le musulman d'une manière général, et on conclut justement avec un hadith justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète, on l'avait déjà mentionné dans un sermon du vendredi, où le prophète va parler de l'homme le plus détesté auprès d'Allah. وَلِذَلِكَ بَوَّبَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْبَابُ وَقَالَ مَنْ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. الألد الخصيم. متفق عليه. Et dans un hadith, le prophète ensemble dit, l'homme le plus détesté auprès d'Allah, dans des traductions, ils disent, est le querelleur invétéré. Le querelleur invétéré. Et les savants, ils ont dit, c'est celui, ça suppose deux sens. Celui qui a beaucoup, on va dire avec nos termes à nous pour bien comprendre, beaucoup d'embrouilles, il a beaucoup de querelles, il a beaucoup de discordes, il est beaucoup dans les conflits, donc ça peut être dans le sens al-kathara, beaucoup de conflits, beaucoup de discordes, beaucoup de querelles, pour ça beaucoup l'ont traduit par le querelleur invétéré, ou ça peut être dans le sens lorsqu'il se querelle, fahuwa shadid, shadid ul-khusuma, shadid ul-khusuma, et ça englobe les deux. Ça englobe les deux. Et c'est pour ça que l'auteur lui-même, il rapporte un autre récit où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un peuple qui s'est égaré après avoir été guidé, si ce n'est par la polémique, lorsqu'ils sont tombés dans al-jadal, dans la polémique. » Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik. Et on remercie notre frère